Il est probable que le débat autour de la rémunération des artistes lors de la fête de la musique continuera d'évoluer en tenant compte de ces arguments et des réalités économiques, sociales actuelles. Votre point de vue contribue à cette réflexion nécessaire. Personnellement, je soulève également une réflexion. Lors de la fête de la commune X, Y ou Intel, est-ce que les forains font la gratuité de leur manège ? Est-ce qu'ils offrent les pommes d'amour, les barbes à papa ? La parade des majorettes est-elle assurée gratuitement ? Les postes de secours sont-ils mis à disposition gratuitement pour l'organisation ? Il est même vu dans certains lieux, certaines communes, des jongleurs, cracheurs de feu, démonstrations de danse et autres confitures à spectateurs. Sommes-nous encore dans la fête de la musique ou dans une démesure tendance kermesse ? Bien sûr que chaque art culturel a le droit à sa vitrine. Bien sûr qu'il faut soutenir nos artistes tels qu'ils soient, mais de là à vouloir tout mélanger. Et dans cette réflexion sur la nature de la musique que l'on entend lors de cette fameuse fête de la musique, il est impossible d'ignorer l'essor de la musique assistée par ordinateur, MAO. De plus en plus de créateurs réalisent des morceaux entièrement sur ordinateur, en utilisant des logiciels, des sampleurs et des instruments virtuels. Alors, de la fête de la musique, on peut donc entendre des DJ qui diffusent des morceaux existants, mais aussi des artistes qui proposent leurs propres créations, complètement conçues en MAO, parfois même jouées en direct à travers des contrôleurs et des interfaces numériques. Restons-nous dans le cadre musical ou passons-nous dans un cadre purement de sonorité ? Donc, l'intitulé « Fête de la musique » doit-il changer de nom ? Comment pouvons-nous espérer l'esprit de partage et de découverte musicale tout en assurant une justesse et une juste reconnaissance du travail des artistes et en évitant une marchandisation excessive de cet événement ? C'est une réflexion collective à mener pour que la fête de la musique reste avant tout une fête pour la musique et pour ceux qui la font vibrer. C'était la chronique numéro 4, la fête de la musique. Retrouvez toutes ces informations dans En avant la musique, entre passion et business. Tout ce que vous devez savoir sur la scène, les cachets, les statuts. Le guide pratique pour artistes, organisateurs et associations. Un livre écrit par Didier Verchères.